بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Quand il m'arrive de réécouter les durus que je vous donne, les enregistrements, je me rends compte qu'en fait, comme vous le savez, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, ou Alila Alhamd, bientôt une dizaine d'années, et mon français, il en a pris un coup. D'accord, mon français en a pris un coup, c'est-à-dire des fois, les phrases sont maladroites, il y a des mots, des verbes mal conjugués, ou ainsi de suite. Je m'excuse, je suis un pays arabophone, on entend très peu le français ici, à part avec les frères. Donc mon français m'a pris un coup, donc je m'excuse pour le manque de, on va dire, le côté littéraire ou le côté maladroit dans certaines expressions. Mais Allah, le plus important, c'est que vous ayez compris ce que je vous ai dit. L'éloquence n'est pas le point primordial. Hein. Il y a des frères, mashallah, j'ai écouté certains audios, des frères qui sont éloquents, qui parlent bien, c'est clair. Moi, c'est pas trop ça, mais le plus important, c'est que le message passe et que vous ayez compris le cours. Non. Attendez, on va commencer là, Inch'Allah. الحديث الرابع عشر لو كاتازيم حديث عيب كاتازيم حديث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة والحديث متفق عليه qui est selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que le sang du muslim n'est pas permis, n'est pas licite, c'est-à-dire il n'est pas permis de le faire couler, si ce n'est dans trois cas. Le talion, c'est-à-dire le meurtre. Celui qui a commis un meurtre subira la peine de mort. Al-Sayyib al-Zani, c'est-à-dire celui qui aura commis zina, la fornication, après avoir connu un mariage légiféré. Et Al-Tayyikou al-Dinihi, Al-Mufadikou al-Jama'a, c'est celui qui a délaissé sa religion et qui divise le groupe des musulmans, c'est-à-dire l'apostat, d'accord, l'apostat et celui qui sort sur les hukam, comme cela va venir dans l'explication, inshallah. Donc le shia commence en disant وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ بِنَحْوِهِ هَذَا فِي بَيَانِ أَنَّ التَّارِقَ لِدِينِهِ وَالْمُرْتَدِ وَجَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ هَذَا. Donc il dit, il a été rapporté également selon Othman, qui explique le sens de At-Tariq li-Dinihi, celui qui délaisse sa religion, c'est-à-dire c'est l'apostat. Comme nous l'avons dit, c'est l'apostat. Et cela a également été rapporté dans l'authentique des musulmans selon Aïcha. Ani, des choses allant dans ce sens. Qawluhu la yahillu dam imri muslimin illa bi ihda thalath. Illa bi ihda thalath. Donc le sang du musulman n'est pas permis sauf dans trois cas. Ma'nahu qatluhu. Cela veut dire le fait de le tuer. Qui n'est pas permis de tuer un muslim, sauf dans ces trois cas-là. فَوَاحِدَةٌ مِنَ الثَّلَاثِ يَحِلُّ بِهَا قَتْلُهُ إِجْمَاعًا. Donc une seule de ces choses-là, hein, rend son sang permis, et cela avec l'ijma', l'unanimité. وَالثَّيِّبُ مِنَ الرِّجَالِ وَوَالَّذِي يُجَامِعُ بِنِكَاحٍ شَلْعٍ صَحِيحٍ وَلَوْ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةَ فِي الْفَرْجِ يَقُولُونَ يُعْتَبَرُ ثيابا فإذا زنى بعد ذلك فإن لم يكن متزوجا في حالة الزنا يرجم حتى يموت. Donc il dit الثيب من الرجال, c'est-à-dire c'est l'homme qui a connu un mariage légiféré qu'il aura consommé, d'accord, c'est-à-dire qu'il aura connu des rapports avec son épouse, ne serait-ce que le simple fait, hein, d'avoir un coït, que le bout de son pénis soit rentré dans le vagin de la femme. Juste cela. Même si cela n'a duré qu'une seconde, cela aura suffi pour dire qu'il aura connu jima, l'accouplement, la relation. C'est l'exemple que le shir donne ici. Il ne suffit pas seulement d'avoir fait l'acte entièrement jusqu'au bout. Ce simple acte suffit à ce que, ensuite, s'il commet la fornication, il mérite la peine de lapidation. Donc ils disent après cela, l'homme qui a commis cet acte-là, hein, ne serait-ce qu'un simple rapport, ne serait-ce qu'un simple coït qui n'aurait duré ne serait-ce qu'une seconde, ou qu'il n'ait commis l'acte en rentrant entièrement ses parties génitales, et cela suffit à ce qu'il soit considéré comme saillé. Et que si jamais il connaît la fornication après cela, et qu'il a été marié, hein, d'un mariage légiféré, alors lui, il est lapidé jusqu'à la mort. وَالثَّيِّبُ مِنَ النِّسَاءِ هِيَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ وَجُمِعَتْ بِجِمَاعٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ وَلَوْ بِالْتِقَاءِ الْخِتْنَيَيْنِ. Donc il dit, quant à la femme Thayyib, c'est celle qui s'est mariée également, qui aura connu des rapports, hein, des rapports légiférés, bien entendu, des rapports sexuels légiférés. Et comme l'homme, le simple fait que les deux chitaines se rencontrent, c'est quoi les deux chitaines? Le chitaine, c'est la circoncision. La circoncision. Donc, ce que l'exemple donné par là, que les gens citent souvent, ou comme se lève dans un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on est, Zaytakol el chitatani, Fakad wajab al rusl. Que le prophète, il a dit que si jamais les deux parties circoncises de l'homme et de la femme se rencontrent, cela rend obligatoire le rousse, rousse et janaba. Donc le simple fait que ces deux chitaines se sont rencontrés, c'est-à-dire, on va dire, le bout extrême du pénis de l'homme avec l'extrémité du vagin de la femme, ces deux-là, le simple fait qu'il y ait eu une rencontre entre les deux, cela suffit à ce que cela soit considéré comme étant un rapport. Même s'ils n'ont pas été jusqu'au bout, hein, qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du rapport, ou qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas été, que cela n'a duré qu'un peu de temps, cela est considéré comme étant un rapport, et de là, si jamais ils forniquent, ils encourent la peine de lapidation jusqu'à la mort. Le terme jimar, l'accouplement, la relation sexuelle, c'est cela que ça veut dire. Ce n'est pas forcément avoir commis l'acte entièrement jusqu'au bout. À savoir cela, c'est important. Donc il dit, فَهَذِي إِذَا زَنَتْ فَعَلَيَا الرَّجْمُ. Donc cette femme-là, hein, qui a connu le mariage légiféré ainsi que les rapports, aussi peu soit-il, celle-là, si jamais elle fornique, elle sera lapidée jusqu'à la mort. وَرَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ ثَبَتَ أَنِ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَا أَتَتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَصَبْتُ حَدًّا فَقِمْهُ عَلَيْهَا فَدَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلِيَهَا فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِينِي بِهَا فَأَتَى بِهَا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَتَى بِوَلَدِهَا وَهُوَ حَامِلٌ كَثْرَةً مِنْ خُبْزٍ ثم امر بها فرجمت بعد ان فتم ولدها. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même déjà lapidé des gens à son époque, de son vécu. Comme l'exemple de cette femme de Juhayna qui est venue vers lui qui était enceinte à cause de la fornication, elle s'est rendue auprès de lui et lui a dit au prophète, j'ai enfreint les limites, c'est-à-dire j'ai commis la fornication, donc applique la peine sur moi, la peine que je mérite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son wali, le wali de cette femme, prends soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche, et une fois qu'elle a accouché, viens avec elle. Chose qu'il fit, il se rendit avec cette femme-là après son accouchement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna que ses vêtements lui soient serrés, et ensuite qu'elle soit lapidée à mort. Et dans une version, il a été dit qu'elle est venue avec l'enfant, c'est-à-dire bien plus tard que l'accouchement, elle est venue auprès du prophète avec l'enfant, alors que celui-ci portait un bout de pain dans la main, c'est-à-dire qu'il avait été sevré. Ces deux ans d'allaitement étaient terminés. Donc cette précision est là pour éclaircir le fait que cette femme n'a été lapidée qu'après avoir enfanté et allaité son enfant durant deux ans. Elle n'a pas été lapidée directement après l'accouchement. Voyez. ثم يقول والغامدية أيضا كما في الصحيح رجمها النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق هذا الحكم المكلف. Donc il dit الغامدية, c'est une femme de الغامدية. Également a été lapidée comme cela a été rapporté dans le Sahih par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a été lapidée également à mort pour avoir commis la fornication. وَيَسْتَحِقُ هَذَا الْحُكْمَ الْمُكَلَّفُ أَمَّا الصَّغِيرُ فَلَا يُرْجَمْ وَلَا يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌ حَدُّ الْجَلْدِ مَا لَمْ يَبْلُغْ وَالْمَجْنُونُ أَيْضًا لَا يُرْجَمْ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُحْسَنْ لَمْ يُجْلَدْ لِحَدِيثِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ. Voilà où que ça. Donc il dit, celui qui mérite cette sentence, cette peine, n'est que le mukallaf. N'est que le mukallaf. Le mukallaf, nous l'avons déjà répété, nous l'avons souvent dit, c'est le majeur doté de raison. Hein? On va dire plutôt le pubère doté de raison. Celui sur qui s'appliquent les règles de la législation. Quant au petit, c'est-à-dire le mineur, ou le démuni de raison, celui qui est un peu fou, on va dire, celui-là, cette peine ne s'applique pas sur lui. Hein? L'enfant, s'il y avait un enfant commet la fornication, il ne sera ni flagellé, ni lapidé. Tant qu'il ne sera pas devenu pubère ou majeur, comment dire. Et même si, et le fou également, le fou, hein, le dément, celui qui a perdu la raison, ce jugement se rapporte sur lui également qu'il ne sera ni flagellé s'il a été bic, ni lapidé s'il a été saillé. Et même s'il a connu, comme on dit, un mariage légiféré, le fou, celui qui a une raison démunie, qui n'est pas considéré comme étant un aqil, lui, Inch'Allah, cette peine ne s'applique pas sur lui. Et la preuve de cela, c'est le hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume a été levée pour trois personnes. Le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le petit, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Et celui qui dort, jusqu'à ce qu'il se réveille. Ces trois-là, hein, aucun jugement ne s'applique à eux, parmi les sentences, et ainsi de suite. Thumma qala walau qissatun wa ya anna Umar radiyallahu anhu amara bi majnunatin an turjam famarra aliyun radiyallahu anhu faqala ya amir al-mu'minin alam yakul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rufi'a al-qalam an thalatha qala bala qala fama balu majnunatin bani fulan qala fa amara Umar radiyallahu anhu biha faturikat wa hadha thabitun an Umar wa an Ali wa ja'a an ghayrihima. Donc il dit également, ce hadith a une histoire qui s'est produite après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant le khalifa de Omar. Que celui-ci, Omar, radiallahu anhu, allait lapider une femme, on va dire folle, qui avait commis la fornication. Et je crois que c'était une servante en plus, il me semble que c'était une servante. Une servante, hein, Majnouna, qui avait commis la fornication. Omar a appliqué sur elle la sentence de la lapidation. Du fait sûrement qu'elle a été mariée auparavant. Et là, Ali, radiallahu anhu, vient et lui dit, n'as-tu pas entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la plume a été levée de trois personnes? Omar lui dit si. Donc Ali lui dit, alors qu'en est-il de cette femme? Car cette femme rentre dans le hadith. Car c'est une majnouna, c'est une femme qui est folle. Donc de là, Omar la délaissa. Voyez, Allah, Omar la gracia et la laissa partir. C'est-à-dire n'a pas appliqué la lapidation sur elle. Il n'a pas appliqué la lapidation sur cette femme. Et ce hadith, cette histoire est authentique. Elle est venue de Omar et de Ali, radiallahu anhuma, et d'autres que. Amma al-bikru fa fihi ma ja'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala khudhu 'anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Al-bikru bil-bikr jald miyat wa taghrib 'am wa taghrib 'am. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos du bicre. Nous avons dit le bicre, nous en avons déjà parlé auparavant, que c'est une personne qui n'a jamais connu de mariage légiféré. Qui est souvent traduit par le mot vierge. Hein, une femme bicre, c'est une vierge, ou un homme bicre, c'est un homme vierge. Et Shal'an, nous avons dit que le bicre, en réalité, dans les règles de la religion, c'est une personne qui n'a jamais connu de mariage légiféré. Même si on dit qu'auparavant elle a forniqué, elle sera considérée comme étant bicre. D'accord? Elle sera considérée comme étant bicre. Et quant à la personne bicre, celle qui n'a jamais connu de rapport, ça c'est le sens littéraire. Amin, Shal'an, dans la législation, c'est une personne qui n'a pas connu de mariage légiféré auparavant. Donc il dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Prenez de moi. Car Allah leur a sorti trouver une issue, c'est-à-dire au bicre. Le bicre, c'est-à-dire s'il y a mis comme une fornication, dans ce hadith, il cite que son châtiment, c'est une lapidation de 100 coups de fouet, hein, et un bannissement de durée de 1 an de sa terre de résidence. Du lieu où il vit, il est banni durant 1 an. Celui qui commet la fornication n'ayant jamais connu de mariage légiféré, Auparavant, celui-là, sa peine, la peine qu'il encourt, c'est 100 coups de fouet, d'accord, et un bannissement, une expulsion de sa terre durant un an. Fafihi anna yujladu miyat wa yurarrab aman. Donc cela précise qu'il doit être lapidé 100 fois et expulsé un an. Wa thayyib bi thayyib jad miyat wa rajm. Donc ensuite dans ce même hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, et le thayyib, là il répète c'est quoi sa sentence, sa peine, c'est une lapidation de 100 coups de fouet plus la lapidation. Plus la lapidation à mort. Hakaza fil hadith, illa anna sahih annahu la yujma' bayna al-jald wa bayna al-rajm. Wa innama yurujim rajama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ulaika wa lam yajladu. Yujladu. Wa hakaza baqiya jallu al-ulama. Jallu al-ulama ila anna jam bayna al-rajm wa jald mansukhun ala sahih. Donc il dit dans ce hadith, il était dit que le thayyib, si jamais il commet le zina, lui il est fouetté 100 coups de fouet et en plus de ça il est lapidé à la mort. Et là le shir dit que la parole authentique c'est qu'on ne lit pas entre les deux peines. D'accord ? On ne peut joindre entre les deux peines, entre le fait de flageller et par la suite lapider. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué cela. Lui il a juste lapidé. D'accord ? Dans les hadiths qui ont été rapportés où il a lapidé des gens, il n'a pas été rapporté qu'il les a fouettés auparavant, ensuite lapidés. Et tel est également l'avis de la plupart des gens de science. Et quant au fait de lier entre les deux sentences, cela est une chose qui est abrogée. Hein ? L'authentique dessus, il est abrogé. Et d'ailleurs, le shir ne rapporte même pas que celui-ci ait été appliqué. D'accord ? Il n'a pas, dans son charha, il n'a pas rapporté quoi que ce soit qui démontre que ce jugement a été appliqué sur que ce soit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste que lui, il a lapidé. Non. Donc, la parole authentique sur le Thayyib, c'est qu'il est lapidé à mort. Donc, il poursuit en disant Su'alun, hal yurfar lirajul. Donc là, la question c'est, est-ce que l'on fait un trou pour l'homme, c'est-à-dire lorsqu'on le lapide, est-ce qu'on creuse un trou, on le met dedans et ensuite on le lapide. Jawab, al hadithu fiha darf fima yata'allaku bil hafr lirijal. ومما يدل على انه لا يغفر له ما اخرجه البخاري ومسلم ان ذلك الرجل الذي اعترف بالزنا لما اذلقته الحجاره هرب فادركه بالحره فرجموه. ففي الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر برجم اليهودي واليهوديه اللذين زنيا بعد الاحصان فرجما على البلاط. وقال ابن عمر فرايت اليهودي أحنَى عليها ظهره يقيها الحجارة بنفسه. وقال ابن القيم في إعلام يعني إعلام الموقعين عن بعض الروايات التي في مسلم وفيها فحفرت له حفيرة قال هي غرط وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية فسوري ذلك إلى غامر أو إلى ماغز مكتوب إلى ماغز والغامدية. Donc on explique. Il dit que les hadiths qui sont venus, qui stipulent que l'homme, c'est-à-dire qu'on creuse un trou pour l'homme avant de le lapider, tous les hadiths qui sont venus sont tous faibles. D'accord ? Qu'il n'y a rien d'authentique sur ce fait. Et également qu'il prouve que cela n'a pas été fait, ce que l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans leur sahih, qu'un homme avait reconnu qu'il avait forniqué. Donc, la peine allait être appliqué sur lui. Et lorsqu'il fut atteint par la première pierre, il s'enfuit. Hein, il partit en courant, sûrement par la douleur ou la peur. Il ne put supporter, donc il s'enfuit. Donc les gens le rattrapèrent dans le quartier et achevèrent sur lui la peine, la sentence et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'il mourût. Donc cela prouve quoi ? Si cet homme s'est sauvé, c'est qu'il n'était pas enterré. S'il avait été enterré dans un trou, il n'aurait pu se sauver, ni être rattrapé. Non. Donc cela est une preuve qui démontre que l'homme n'a pas été enterré pour être lapidé. Et dans les deux authentiques également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ordonna de lapider le juif et la juive qui avaient commis la fornication, hein, après avoir été mariés de façon légiférée, que ces deux-là furent lapidés sur la barat. Al-barat, Le balat, là-bas, ça veut dire du carrelage ou de ce genre de choses, mais à l'époque, je ne crois pas qu'il y ait du carrelage. Donc le balat de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas à quoi ça revenait. Je vois pas si ça pouvait être quoi, mais en tout cas, balat, ce n'est pas un sol naturel. D'accord? Ce n'est pas genre de la terre, c'est un sol qui a été recouvert par une substance, je ne sais pas comment on dirait ça. Nous, à notre époque, c'est du carrelage. Un balat, à notre époque, ça s'appelle carrelage. Mais leur époque à eux, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent. En tout cas, ce n'était pas un sol naturel. Ce n'est pas de la terre, ni du sable, ni quoi que ce soit. C'était un sol qui était travaillé. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'ils lapidaient le juif et la juive sur la balat, ce qui prouve qu'il n'était pas enterré, car la balat, on ne peut pas creuser. C'est une matière qui est dure. L'homme, le juif, se mit au-dessus de la femme pour la protéger des pierres. Pour la protéger des pierres, sûrement par amour pour elle. Lorsqu'ils se sont fait lapider, il se mit sur elle et la recouvrit afin de la préserver des pierres. Cependant, cela ne servit à rien car les deux furent tués par les pierres. Donc, le shahid de tout cela, ce qui nous concerne, c'est qu'ils ont été lapidés sur du balat. Donc, ils n'ont pas été enterrés. L'homme n'a pas été enterré. Attends, même. Donc, Ibn Qayyim, il dit dans son livre, il y a la même Waqirin, que dans certaines versions du hadith, je ne sais pas s'il y a un manque là dans la phrase car il ne dit pas dans quel hadith, de quel hadith il s'agit. En tout cas, il y a un hadith, d'accord, qu'il dit qu'un trou lui a été creusé. Il y a un hadith dans lequel il est rajouté, il y a un trou qui lui a été creusé, c'est-à-dire celui qui allait être lapidé. Apparemment, ce serait une femme. Et Ibn Qayyim, il dit que cela est une erreur du rapporteur, hein, qu'il a mal. Yani, on va dire, il s'est trompé, quoi, dans ce qu'il a rapporté, que cet ajout est une erreur. D'accord? Cet ajout est une erreur. Je m'excuse, là, le hadith n'est pas stipulé. Pour pouvoir vraiment voir de quoi il s'agit, le hadith, là, le chien n'a pas cité. À la coulée, tout ça pour dire que le jugement, ou plutôt le fait d'enterrer celui qui va se faire lapider, du moins l'homme, hein, le fait d'enterrer un homme pour le lapider, il n'y a rien d'authentique sur cela. Nous disons même que des preuves sont venues s'opposant à cela, qui démontrent que les hommes n'ont pas été enterrés. Qultu, le shir dit, Qultu, wa hadith, fa amara biha, fa shuddat alayha thiyabuha, thumara rujimat, yadulu ala adam wujub al-hafar, hatta lil mar'ati al-marjuma, wa min bab al-awla annahu la yuhfar lil rajul al-marjum, fa in hufira lahuma hal rajmihima, فلا ينكر ذلك لما في ذا في ذا لما في الباب من الأدلة والأقوال ومما يتعلق بحفر للمرأة فيها أحاديث أسندها أقوى من تلك شيئا ما إلا أنه ليس بواجب. Donc là, il dit le shir, lui, là maintenant, il va parler par rapport à la femme. Est-ce qu'on creuse un trou pour la femme ou pas? Donc là, il rappelle le hadith cité de cette femme de Juhayna qui est venue près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissant d'avoir commis la fornication, d'où elle est tombée enceinte. Dans la fin du hadith, il dit, nous l'avons dit, que ses vêtements furent resserrés sur elle, puis elle fut lapidée à mort. Donc le fait que ses vêtements furent resserrés sur elle, pour ne pas qu'elle soit découverte, que ses parties intimes soient découvertes, cela démontre qu'elle n'était pas enterrée. Hein, cela démontre qu'elle n'a pas été enterrée. Juste ses vêtements resserrés sur elle, puis lapidée directement, sans préciser qu'elle n'a été enterrée. Donc cela prouve que cela n'a pas été fait pour elle. Donc si cela n'a pas été fait pour une femme qui, elle, est une aura plus que les hommes, hein, la femme elle-même est une aura, donc si cela n'a pas été fait pour une femme, alors à plus forte raison, on ne le fera pas pour un homme. Hein, à plus forte raison, on ne le fera pas pour un homme. Cependant, si jamais on creuse un trou pour eux lors de cette lapidation, alors on ne peut blâmer cela. Cela n'est pas un acte à blâmer du fait qu'il y ait certaines preuves et certaines paroles tournant autour du sujet. C'est-à-dire, si demain on creuse un trou pour la personne qui sera lapidée, l'homme et la femme, cela n'a pas été fait, mais le chir dit qu'on ne peut pas blâmer non plus celui qui le fera. Car il y a certaines paroles qui tournent autour de cela, qui démontrent qu'il y a, il y a un côté véridique un petit peu dedans. Ensuite, il dit, et concernant, on va dire, le fait de creuser pour une femme, il y a des hadiths qui sont venus avec des isnads, des chaînes de narration, qui ont une certaine, on va dire, force, une certaine prise en considération par rapport à celle des hommes. Cependant, cela n'est pas obligatoire. Hein? Cela n'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui démontre qu'il soit obligatoire de creuser un trou pour la femme pour la lapider. juste certaines riwayat, certains hadiths sont venus avec une certaine force dans les chaînes de narration, mais cela ne démontre pas l'obligation et cela n'a pas été fait à chaque fois, comme le prouve le hadith de la femme de Juhayna. Non. Ensuite, il poursuit en disant Qawluhu wal nafsu bil nafs, c'est-à-dire la vie pour la vie, le meurtre. Là, il parle du meurtre. Min babi qawli ta'ala wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Donc, cela se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit et vous avez certes dans le talion une préservation de la vie, ô vous les dotés d'intelligence. Wa qawlihi wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafsa bil nafs والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Donc également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit nous y avions écrit, c'est-à-dire c'était dans la Torah, hein, que la vie pour la vie, c'est-à-dire celui qui tue sera tué, hein, œil pour œil, celui qui crève un œil, son œil sera crevé, anf pour anf, il y en a le nez pour le nez, l'oreille pour oreille, dent pour dent, et que les blessures également amène à un talion, à une expiation. Ce qu'on appelle la loi du talion. Et pour œil, dent pour dent, comme cela est également précisé chez, même chez les gens du livre, cela est présent dans leur livre, bien qu'ils aient été altérés, on trouve cela également dans le livre, le talion, et pour œil, dent pour dent, comme ils disent. وَمَنْ زَعَمَا أَنَّ هَذِهِ وَحْشِيَّةَ فَهُوَ كَافِرٌ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجُوزْ وَإِنَّهُ مُحَرَّمْ وَإِنَّهُ وَحْشِيَّةَ ويتنكر لذلك لهذا فقد رد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين سواء كان امرأة برجل أو رجل بامرأة قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. Donc il dit que ceux qui prétendent que cela est cruel et barbare, hein, la peine de mort ou le talion, celui-là c'est un kafir, celui-là c'est un mécréant. Et celui qui dit qu'il n'est pas permis d'appliquer le talion, que cela est interdit, illicite, et que cela est cruel, hein, et barbare, et sauvage, et qu'il renie cela, lui, il a certes rejeté le livre d'Allah, et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité des muslimines. Qu'il s'agisse du fait de tuer un homme pour une femme, ou de tuer une femme pour un homme. Hein. Car la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, « وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا » que nous leur avons prescrit dans la Torah, hein, que la vie est pour la vie. Le talion, la vie pour la vie, c'est-à-dire celui qui tue délibérément une vie interdite sera tué également. Il n'y a pas de différence entre l'homme ou la femme. Non. Wal tahawiyya yaqulu fil aqidat al tahawiyya faman sa'ala lima fu'il فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Donc l'imam Tahawi, il dit dans son livre « Al-Aqida al-Tahawiyya » celui qui se pose la question « Pourquoi agit-on de la sorte » c'est-à-dire « Pourquoi applique-t-on le talion ?» Là, il y a une question genre en but de négation, hein. C'est pas une question en but d'interrogation. C'est une personne qui pose une question « Suwal inkari » comme on dit, « Suwal inkari » qui pose une question en but de rejeter la chose. Et pourquoi on fait cela, par exemple, hein? Pourquoi ferait-on cela? Donc celui-là aura certes rejeté le verdict du Coran. Et celui qui rejette ce verdict-là est compté parmi les koufars, compté parmi les mécréants. Cela est considéré comme de l'apostasie. Naam. Inna l'ijma'a qa'imun anna ajza al-mar'a anna ajza al-mar'ati min haythu ديتها أنها نصف دية الرجل لكن إذا قتلها رجل يقاد بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتلك المرأة التي رد رأسها اليهودي بين حجرين فأمر به فرد رأسه بين حجرين ولا بأس بالإراحة ولأهل العلم في ذلك قولان. Donc il dit, le shir dit qu'il y a unanimité, hein, des muslimines, que tout membre, toute partie d'une femme qui aurait été atteinte d'une blessure ou quelconque dommage, que sa diya, son expiation, c'est la moitié de celle d'un homme. Par exemple, on dit que tu as couper, un exemple, le doigt d'une femme. Hein? Le doigt d'une femme a été coupé. Eh bien, l'expiation de cette amputation, de cet acte, revient à quoi? À la moitié de la valeur de l'expiation si on avait coupé l'homme, le doigt d'un homme. D'accord? Que cette chose-là, pour ce qui est de la femme, soit la moitié de l'expiation pour un homme. Si tu coupes le doigt d'une femme, volontairement, délibérément, hein, et que tu coupes le doigt d'un homme, eh ben, le prix que tu payeras pour le doigt de cette femme-là sera la moitié du prix que le doigt de l'homme. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans son livre. Non. Par contre, si jamais une femme est tuée par un homme, hein, un homme musulman, là on parle des musulmans, on parle pas des koufars, on parle des musulmans, comme cela va venir, cependant là, il n'y a plus de différence. Si une femme musulmane est tuée par un musulman, délibérément et injustement, alors elle sera tuée également. Là, il n'y a pas, ça n'existe pas qu'on tue à moitié, ça n'existe pas. Hein, ou on tue ou on tue pas. Et bien celui qui tue une femme, un musulman qui tue une femme délibérément, volontairement, injustement, sa peine sera également qu'il sera tué aussi. D'accord? Donc différencier entre la diya sur les blessures et les membres et le meurtre. Le jugement n'est pas pareil. Et ce qui prouve cela, c'est qu'une femme, comme cela est venu dans le Sahih al-Bukhari, qu'une jeune servante a été trouvée gisant au sol, avec la tête, on va dire, amochée. Elle était mourante, d'accord? En agonie, en train de mourir. Il lui fut demandé qui t'a fait cela. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un l'avait tuée en lui brouillant la tête entre deux pierres. Elle a été tuée, hein? Elle avait sa tête sur une pierre, et une personne lui a frappé l'autre côté de la tête avec une autre pierre, une grosse pierre, à tel point qu'il en a tué. Il lui fut demandé qui t'a fait cela. Il lui fut exposé plusieurs noms. Est-ce que c'est un tel, un tel, un tel, jusqu'à ce qu'il cite le nom d'un juif, hein, au point qu'il cite le nom d'un juif, et lui il dit, et quand lorsqu'il cite le nom du juif, elle dit oui, c'est lui. Elle fit un signe de la tête pour dire que c'est lui qui l'a tué. Ensuite elle mourut. Rahimahullah. Wa radiyallahu. Donc ils attrapèrent le juif et l'interrogèrent. Il reconnut son meurtre. Hein, il reconnut. Ce qui prouve que pour établir une peine de mort, il faut des preuves claires, d'accord? Soit des témoignages, ou alors que la personne reconnaisse et avoue son crime. Donc là, le juif a reconnu le crime. Donc ils le tuèrent comme il tua cette femme. C'est-à-dire qu'il lui broyèrent la tête entre deux pierres, d'accord? Comme il tua, il fut tué. Cependant, le shir, lui, voit que le fait de soulager le condamné, le fait de le soulager dans sa peine, cela est meilleur. C'est-à-dire de le tuer de façon rapide, qu'il ne souffre pas, qui qu'il soit. Ensuite, le shir dit que les gens de science ont sur le sujet deux paroles quant au fait de tuer la personne, comment on la tue. Les ulama, les savants, ont deux paroles. Minhum man yaqul yuqtalu bima qatala bihi li hadha al hadith wa law qatala bi sikkin fa yuqtalu bi sikkin. Donc parmi eux, certains disent que cette personne-là, le criminel, est tué, hein, par le même moyen par lequel il l'a tué lui-même. Par exemple, s'il tue avec un couteau, il sera tué au couteau également. Et lui se base sur quoi? Sur ce hadith avec les juifs. Wa minhum man yaqul yurahu wa yuqtalu bi sayf aw ma kana fi al iraha mithl al sayf wa hadha aqrab wa bihi yaqulu ibn qudama wa jama'a min ahli al ilm li hadith shaddad ibn اوس ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته الشاهد من الحديث فاحسنوا القتله يقتل بالرصاص لا سيما في هذه الازمنه الموجود فيه الرصاص او بالسيف اما مثلا ضربوا بفاس ويكسر راسه Donc le shir dit que la deuxième parole des gens de science sur le sujet, c'est qu'on le soulage. Hein, lors de la peine de mort, on le soulage et on le tue avec l'épée. Hein, on lui coupe la tête, on le décapite, par exemple. Ou tout ce qui ressemble dans les peines de mort qui sont rapides, hein, qui n'apportent pas de souffrance. Et le shir voit que c'est la parole la plus prépondérante, la plus correcte. Le fait de tuer la personne de façon rapide, sans douleur. Et telle est la parole d'Ibn Qudama et d'un groupe de gens de science. Se basant sur le hadith, de Shaddad ibn Awsin, qui viendra également dans Al-Bayt Nawawi, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a prescrit la bienfaisance sur toute chose. Alors si vous tuez, alors tuez bien. Et que si vous égorgez, alors faites-le bien. Et que l'un d'entre vous affûte bien la lame et qu'il l'apaise, la bête qui sacrifiera. C'est-à-dire que lorsque tu vas sacrifier une bête, ta lame doit être bien aiguisée, bien affûtée, et que tu dois rassurer l'animal, qui ne doit pas être effrayé de ce qui va lui arriver. Donc ce qui nous concerne dans ce hadith, c'est « fa'arsinu al-qatla », c'est-à-dire « tuez bien, faites-le bien ». Par exemple, Shirz la cite comme le fait de le tuer par balle. Hein, le fait de le tuer par balle, surtout en notre époque, où les balles sont présentes. Ou par l'épée. Mais quant au fait, par exemple, de lui donner des coups de hache, ou de lui briser la tête, hein, ou de le frapper, c'est-à-dire le frapper à mort, hein, le lyncher comme on dit, et qu'il en souffre, cela n'est pas correct. Cela n'est pas correct. Je ne sais pas comment on dit traduire Khilaf al-Aoula. C'est-à-dire l'Aoula, à la base, l'Aoula, c'est une chose qui est prioritaire. Et là, le fait d'agir de la sorte, cela contredit cette chose qui est prioritaire. Je n'ai pas de formule en français pour pouvoir expliquer cette phrase en arabe. Toujours est-il que lui voit que ce n'est pas correct d'agir de la sorte et que le meilleur, c'est de le tuer avec le moyen qu'il a utilisé pour tuer lui-même. Qu'il faut le tuer à fond, excusez-moi, le tuer de façon rapide, hein, sans souffrance. Même s'il l'a tué, par exemple, tu brûles quelqu'un, quelle personne a brûlé une autre par le feu, toi tu ne brûles pas. D'une part, que cela est interdit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'azab, la yu'azib bin nar, illa rabun nar, qui n'est pas que seul châtié par le feu, le seigneur du feu. Donc à la base, quels que soient les cas, meurtre ou pas, il n'est pas permis d'incendier, hein, de brûler une personne. Cela n'est pas permis. Wa hatta wala uqatala kutila rajulun ou qatala rajulun sabiyan sagiran mauludan ibnu yomin ou ibnu sa'a kharaja wastahal yuqtalu bihi. Biqouli ta'ala al-nafsu bin-nafs wal-maqsudu bin-nafs huna al-ma'suma wa kadhalika al-hal yuqtalu al-walid biwalidi la. Donc il dit également, si une personne venait à tuer un enfant, un jeune enfant, ou un nouveau-né, par exemple un enfant qui n'aurait qu'un jour, hein, ou une heure, qui vient juste d'être enfanté, c'est-à-dire qu'il est sorti du ventre de sa mère avec le souffle de vie, vivant, et ensuite il soit tué délibérément par une personne, alors cette personne-là sera tuée également. Biqouli ta'ala, al-nafsu aw nafsa bil-nafs. Hein, la vie pour la vie. La vie pour la vie. Et le sens voulu ici par la vie, c'est celle qui est préservée. La vie interdite. Car il y a des vies, des cas où la personne doit être tuée, même obligatoirement. Et des cas, cela est interdit. Là, il parle de la vie, le sang illicite. La vie qui est préservée. Wa kadhalika hal yuqtalu al-walid bi walidi la. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بوالده ويقتل الولد بوالده. Donc également, est-ce que l'on tue un père pour son fils? C'est-à-dire si un père venait à tuer son fils, est-ce qu'il encourt la peine de mort pour cela? Non, on ne tue pas un père qui aurait tué son fils. Pour preuve de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم où il dit que l'on ne tue pas un père pour son fils. Un hadith est venu authentique où il dit لا يقتل والد بوالده, que l'on ne tue pas un père pour son fils. Cependant, le contraire se fait. Si un fils venait à tuer son père, alors on tuerait le fils. Hein? Si un fils venait à tuer son père délibérément dans un cas d'interdiction, alors le fils serait tué pour rendre le sang du père. Non. Thumma. Dans le même hadith, où on disait « La yuqtalu walidun bi walidi », l'insulte c'est « Wa la yuqtalu muslimun bi kafir » et qu'on ne tue pas un muslim pour un kafir. C'est-à-dire, si un muslim tue un kafir délibérément, on ne tue pas le musulman pour autant. Hein? Il ne sera pas puni, il ne subira pas la peine de mort. Kaza qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fi as-sahih sawa kana kitabiyan aw yahudiyan aw nasraniyan aw dhimmiyan fa in kana harbiyan fa ijma'an wa in lam yakun harbiyan fa 'ala as-sahih la yuqtalu bih la yuqtalu muslimun bi kafir wa law qatalahu 'amdan wa yuqtalu al-kafir bil muslim. Les hadiths qissa al-yahoudi alladhi radda ra's imra'atihi bayna hajarayn faqatalahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biha kama taqaddam qariban. Donc il dit, comme cela est venu dans le sahih, dans l'authentique, que l'on ne tue pas un musulman qui aurait tué un kafir. Qu'il s'agisse d'une personne du livre, comme un juif, ou un chrétien, ou une personne sous pacte de protection, hein, qui serait en pays d'islam, il paye la jizya, l'impôt légal, et qui serait préservé par l'État, même si celui-là est tué par un musulman, on ne tue pas un musulman en contre-échange, en contrepartie. Hein, on ne tue pas un musulman en contrepartie, en expiation. Par contre, si jamais c'est un kafir, il s'agit d'un kafir qui combat les gens de l'islam, alors là, il y a unanimité qu'on ne le tue pas. Hein? Un kafir qui vient des pays qui sont en guerre contre les pays d'islam et qui ne payent pas la jizya, celui-là, s'il est tué par un musulman, il y a unanimité qu'on ne tue pas le musulman pour rendre, n'applique pas le talion sur le musulman par rapport à lui. Même s'il l'avait fait délibérément. Même s'il le tuait délibérément. Cependant, si un kafir tue un musulman, alors là, on l'exécute. Hein? Si un kafir, un mécréant, tue un musulman délibérément, alors on l'exécute. Comme le prouve le hadith de l'histoire du juif qui a tué cette jeune servante entre deux pierres. Hein? Ce hadith qu'on a cité précédemment prouve que le kafir, si tue un musulman, on le tue aussi, on l'exécute. قَوْلُهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. Donc, sa parole dans le hadith, sauf dans trois cas. Hein? لَا يَحِلُّ دَمْ مِرْءِ مُسْلِمِينَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. Sauf dans trois cas. هَذَا لَيْسَ عَلَى سَبِيلَ الْحَصْرِ فَهُنَاكَ الَّذِينَ يَعْتَبِرُونَ الَّذِينَ يُعْتَبَرُونَ مُحَارِبِينَ سَوَاءً بِالْحَرَابَةِ الْكُبْرَى الَّتِي هِيَ الرِّدَّةُ أَوْ الْحَرَابَةِ الصُّغْرَى الَّتِي هِيَ الْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ. Donc, cela n'est pas restreint à ces trois cas-là. Le hadith dit, trois cas-là, et cela n'est pas restreint. Il y a d'autres cas où on peut tuer aussi, où le sang du musulman, hein, est permis. Par exemple, ceux qui sont considérés comme étant des gens qui combattent la religion, comme par exemple les apostats. Hein, la guerre majeure, le combat majeur contre l'islam qui est l'apostasie. Et également, le combat mineur qui lui est le fait de semer le désordre sur terre. Alors ces gens-là sont tués. Ces gens-là sont exécutés. Vous m'entendez? Non. Donc ceux qui sèment le désordre sur terre, ceux-là sont exécutés. Comme a fait qu'Allah Ta'ala, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. Donc il dit dans le sens, la rétribution qui revient à ceux qui combattent Allah et son messager et qui s'efforcent de semer le désordre sur terre, ceux-là doivent être exécutés ou crucifiés ou que leurs membres soient coupés de côté opposé. C'est-à-dire leurs mains et leurs pieds sont coupés de côté opposé. Par exemple, tu coupes la main droite avec le pied gauche. Ou tu coupes la main gauche avec le pied droit. وَكَذَا الْبُغَاءَ الَّذِينَ يَبْغَوْنَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَلَى أُولِي الْأَمْرِ. طيب. الَّذِينَ يَبْغَوْنَ عَلَى أُولِي الْأَمْرِ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يُرَدُّوا بَغِيُّهُمْ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا فَقَدْ قَاتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الْخَوَارِجِ وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ قَالَ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا فَبَتَحَذَا عِنْدَ مُحَمَدِ بْنُ النَّصْرِ الْمِرْوَزِي كَمَا فِي التَّعْظِيمِ قَدْرَ الصَّلَاةِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَاتَلَ الْخَوَارِجَ قَالُوا أَكُفَّارٌ هُمْ قَالَ لَيْسُوا بِكُفَّارٍ مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا قَالُوا أَمُنَافِقُونَ قَالَ الْمُنَافِقُونَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَهَؤُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا قالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا وإنما قاتلهم لبغيهم على المسلمين قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Donc il dit le shir que les tyrans, les injustes sont ceux qui sont sortis sur le gouverneur. Ceux-là, on les combat. Hein? Ceux qui sortent sur le gouverneur, ceux-là sont combattus jusqu'à la mort. Afin de rejeter leur mal, leur tyrannie et leur injustice. Car Ali, radhiyallahu anhu, et d'autres sahaba ont combattu les Khawarij, alors qu'il ne les a pas rendus mécréants. Ali ne voyait pas le kouf des Khawarij. Pourtant, il les a combattus et les a tués. Car Ali, lorsqu'il fut interrogé à propos des Khawarij, hein, il fut interrogé à leur sujet, il dit, non, plutôt, on lui dit, lorsqu'il est combattu, on lui demanda, est-ce qu'ils sont des koufars? Il dit, non, car les Khawarij ont fui le kouf, se sont éloignés du kouf. Ensuite, il fut interrogé, est-ce qu'ils sont des munafiqoun? Il dit non, car les munafiqoun ne se rappellent, n'évoquent que peu, très peu Allah. Les munafiqoun n'évoquent, les hypocrites n'évoquent Allah que très peu, alors que les Khawarij, eux, évoquent Allah très souvent. C'est connu que les Khawarij, ceux de l'époque, hein, pas ceux d'aujourd'hui, ceux de l'époque étaient des grands dévots, des grands adorateurs. Comme cela vient dans les hadiths, qui font beaucoup de salawat, beaucoup de siyam, qui lisent beaucoup de Coran. Donc ils se rappellent beaucoup d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que les munafiqoun, la yaskun Allah ila qalila, qu'ils se rappellent d'Allah, ce n'est que très peu. Donc ils dirent, alors qui sont-ils? Quel est le jugement des Khawarij? Il répondit, ils sont nos frères qui nous ont oppressés. Hein? Les Khawarij sont nos frères, mais ils nous ont oppressés. Alors Ali, radhiyallahu anhu, mena le combat contre eux pour leur tyrannie, pour leur oppression, contre les muslimines. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens, que si deux groupes, des croyants, se combattent, alors réconcilier entre les deux, et si jamais l'une ou l'un des groupes oppresse l'autre, alors combattez-le jusqu'à ce qu'il se tienne, se plie, hein, au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'il se plie au commandement d'Allah. Donc de là, cela prouve que les Khawarij, il y a un khilaf sur la question. Certains disent que les Khawarij sont des kuffars, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yamrikuna min ad-din kama tamriku asam min al-ramiya » qu'ils sortent de la religion comme traverse la flèche la proie. Lorsque tu tiens une flèche sur une proie, la flèche la traverse. Donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sortent de la religion tout comme cette flèche transperce la proie. Non. Donc de là est venu un khilaf par rapport au jugement qui se rapporte aux Khawarij, est-ce qu'ils sont des musulmans ou des kuffars. وَكَذَا مَنْ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ بِحَدِيثِ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَأَيْنَ مَنْ كَانَ. Et également, celui qui vient pour diviser les musulmans, celui-là on le tue. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, où il dit, celui qui vient pour vous diviser alors que votre affaire est unie, alors tuez-le, qui qu'il soit. Hein, qui qu'il soit. Et également le Shir, lui, Shir Yahya, Hafzallahu Ta'ala, voit que les Khawarij ne sont pas des kuffars. C'est son avis également, voit que les Khawarij ne sont pas des kuffars. Donc il poursuit en disant, وَاكَذَا مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمْ عَلَى كُولِ جُمْهُورِ الْعُلَمَةِ عَلَى كُولِ جُمْهُورِ الْعُلَمَةِ وَلَوْ كَانَ بِكْرًا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْدَ أَحْمَدْ فِيهِ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمْ فَاقْتُلُوهُ وَرَاجِحُ وَقْفُهُ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِي فِي الْكُبْرَى وَذَكَرَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ وَعَلَى هَذَا فَالرَّاجِحُ فِي ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الدُّنْيَوِي حُكْمَ الزُّنَا غَيْرِهِ. Là, on dirait également qu'il manque un mot. وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُرِدَ وَغُرِّبَ وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا رُجِمَ. طيب. Donc il dit également, parmi les gens qui méritent l'exécution à mort, ceux qui ont commis un rapport sexuel avec un mahram. Hein? Par exemple, un homme avec sa sœur. Vous n'entendez plus? Vous entendez ou pas? Attendez. Par exemple, entre frère et sœur, ou entre père et fille, par exemple, père et fille, ou ainsi de suite, ou entre oncle et nièce, et ainsi de suite, s'il y avait des rapports s'accomplissent, là, c'est la peine de mort qui est encourue, l'exécution à mort. Et cela, se basant, même s'il s'agit d'un bicre, hein, même s'il s'agit d'un bicre, une personne qui n'a pas connu de mariage au préalable, de mariage légiféré, et qui commet la fornication avec un mahram, celui-là est exécuté, mérite la peine de mort. Se basant sur le hadith, rapporté par Ibn Abbas, ou selon Ibn Abbas, rapporté par l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est qui commet un acte, on va dire fornique, avec un mahram, alors tuez-le. Cependant, l'avis le plus prépondérant, le plus juste de ce hadith, c'est que les mawqoufs, c'est-à-dire qu'il s'arrête à Ibn Abbas. D'accord ? Que c'est une parole qui s'arrête à Ibn Abbas, qui ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, ce hadith a d'autres shawahid, d'autres hadiths qui le confirment. Tamam. Donc, il dit le shir, donc, je crois qu'il y a eu des trous là dans les phrases. Hein. Donc, le shir, lui, voit que celui qui commet cet acte-là, d'accord, qui commet l'acte, la fornication avec un mahram, son jugement ce bas monde, c'est le jugement du fornicateur, qui aura connu le mariage, c'est-à-dire qu'on le lapide à mort. Non. Donc il finit en disant que, pour conclure, par rapport au fornicateur, que celui qui commet la fornication après avoir connu le mariage légiféré, il est lapidé à mort. Et celui qui était bic, lui, flagellé sans coup de fouet, est banni de sa terre de résidence durant un an. Et là, également, un tembi pour nous tous, de faire très très très attention aux accusations qui peuvent être portées envers un frère ou envers une sœur, en ce qui touche à ces sujets-là. De traiter une sœur de fornicatrice ou un frère de fornicateur sans en avoir suivi les conditions légiférées, c'est-à-dire qu'il y ait quatre témoins. Hein? Qu'il y ait quatre témoins qui aient vu l'acte en soi, le coït, c'est-à-dire c'est pas seulement ils ont vu un homme par exemple, allongé sur une femme, non, il faut qu'ils aient vu une chose qui prouve que l'acte a été accompli. Sans quoi, celui qui parle sur cela, qui accuse les gens sans preuve, selon les conditions établies par la religion, lui, il est fouetté 80 coups de fouet, et son témoignage est rejeté à tout jamais, tant qu'il ne fait pas tauba. Même si l'acte a vraiment été commis, qu'une personne a vu une autre personne, un frère et une sœur en train de commettre la fornication, il les a vraiment vus, mais qu'il n'a pas trois témoins avec lui, il doit se taire. Il n'a pas le droit de les accuser, d'aller voir qui sont et d'en parler. Hein? Si sans quoi, le jugement qu'il encourt, c'est qu'il soit flagellé, 80 coups de fouet, et qu'il soit considéré comme étant un pervers, et qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un menteur. Même s'il a dit la vérité, auprès d'Allah, il est considéré comme étant un menteur, et que son témoignage est rejeté à tout jamais tant qu'il ne fait pas une tauba. Donc attention à ne pas dire un tel, il a fait zina ou ainsi de suite sans avoir suivi les preuves, car cette parole-là est très très grave. Même si cela est vrai que la personne a vraiment fait zina, en cette dunya, on n'a pas le droit de le dire et de le propager. Cela est interdit. Celui qui fait ça dans un pays où la chalia est établie, où il y a des juges, lui, il se fera fouetter. Lui ou elle, celui qui accuse l'autre sans apporter les preuves légiférées, se fera fouetter. Non. Donc attention à cela, ne pas être laxiste sur le sujet. ثم يقول وقد ذكر ابن جوزي عند هذه الآية ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Donc Ibn Jawzi dit à propos du verset dans le sens que celui qui a été tué injustement, nous avons certes donné à son wali, hein, à son proche, un droit, donc qu'il n'exagère pas dans le fait de tuer, car il sera certes secouru par ses droits. أن الإسراف في القتل هو أن يقتل أكثر من القاتل أو أشرف من القاتل أو غير القاتل أو لم يكن أشرف أو يقتل بيده بغير إذن ولي الأمر أولي الأمر فإن هذا يؤدي إلى الفتن أو يمثل بالمقتول أو يمثل بالمقتول ويراجع من زاد المعاد أو زاد المسير عفوا من زاد المسير. Donc il dit, par rapport au verset, c'est quoi l'israf fil qatl ? C'est le fait d'exagérer dans le meurtre. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est le fait, par exemple, de tuer plus que ce que le tueur, le meurtrier, a eu comme victime. Par exemple, une personne a tué une personne, hein, un meurtrier a tué ton frère à toi, par exemple, hein, un meurtrier a tué ton frère, et bien toi, tu n'as pas tué deux frères à lui, ni un. C'est juste le tueur qui doit être... Tu dois subir la peine. Tu ne vas pas, toi, exagérer, c'est outrepasser les limites. Cela n'est pas permis. Ou alors, de tuer le meurtrier sans passer par cela par les gouverneurs, par les détenteurs du pouvoir. Car cela ouvrirait la porte à bien des troubles. Si chacun se met à tuer hein, à se venger. Donc il ne faut appliquer la sentence que sur le coupable, et non sur autrui, et non sur un innocent. Et également, parmi ce que le chéri dit, qu'il n'est pas permis de torturer, hein, le meurtrier. Par exemple, tu tues une personne à tuer une autre personne, un meurtrier tue par exemple un frère, ensuite on prend ce meurtrier, on l'exécute, et on expose son corps, on fait des choses avec lui pour dissuader les autres. Cela n'est pas permis. Hein. Le tamthil, le fait de torturer une personne pour dissuader les autres, cela n'est pas permis également en religion. Non. Qawluhu at-tariqu lid-dini al-mufariqu lil-jama'a. Donc celui, par rapport à la parole, celui qui délaisse sa religion et qui divise le groupe. Ay jama'at al-muslimin li hadithi man baddala dinahu faqtuluh. C'est-à-dire le groupe des musulmans, hein, l'assemblée des musulmans, comme le prouve le hadith, celui qui a changé sa religion, alors tuez-le. Celui qui change de religion, alors tuez-le. Kaza qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa nazala mu'adh ibn jabal fi al-yaman ala abi musa. فوجد رجلا ارتد فوجده مربوطا فقال ما بال هذا من قبل أن ينزل من على راحلته أو حماره فقالوا ارتد فقال والله لا أنزل حتى يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتله فأمر به فقتل ثم نزل معاذ كما في الصحيح. Donc il dit par rapport à l'apostat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam convia Mu'ad ibn Jabal de se rendre au Yémen. Hein, au Yémen, sous en compagnie de Abu Musa al-Ash'ari. Et là-bas, Mu'ad ibn Jabal trouva un homme qui avait apostasié. Il le trouva ligoté. Hein, les gens l'avaient ligoté. Alors il dit, qui est celui-ci? Et cela avant qu'il ne descende de sa monture. Alors les gens dirent, lui, il a apostasié. C'était un homme qui était musulman, qui ensuite est retourné. Je crois même que c'était un juif, si je me rappelle bien, je crois que c'était un juif, qui s'était converti à l'islam et qui par la suite est retourné au judaïsme. Alors il dit, par Allah, je ne descendrai pas, c'est-à-dire de mon âne, de ma monture, tant qu'il ne sera pas exécuté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui change sa religion, alors tuez-le, exécutez-le. Chose qui fut accomplie, c'est-à-dire qu'après cet homme fut exécuté, alors Mu'az, lors de l'anou, descendit de sa monture. Et cela est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Je crois même musulman, Allah alam, je ne me rappelle plus. Non. Al-mufariqu li-dini l'islam, walau kana yaqulu la ilaha illallah, fayuqtalu mithl al-sahir, wa-sahir kafir, liqouli Allah ta'ala, wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayuqtalu idha kana sihruhu min as-sihr alladhi huwa kufr. Donc il dit, celui qui divise ou qui délaisse la religion de l'islam, on va dire qu'il la divise, même s'il prononce la shahada, qu'il dit la ilaha illallah, alors on le tue. Comme cela est le cas du sorcier, celui qui fait de la sorcellerie, celui-là est un kafir. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, en parlant des deux anges, et qui n'enseignera à personne sans avoir dit auparavant, nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'y crois pas. Alors, on le dit, le shir dit que celui-ci est exécuté si sa sorcellerie est celle qui est de la mécréance. Car nous l'avons pris dans, si vous rappelez bien, pour ceux qui ont suivi les Doulous, Narok et de l'islam, que le sihr est de deux catégories. El haqiqi et le tahyili, qui est le sihr, la sorcellerie qui est véritable, celle où on se sert des djinns, où on fait du kouf, et celle qui est tahyili, celle qui est l'illusion, où on se sert de, par exemple, de plantes ou de gestes assez rapides où la personne, comme on dit, n'y voit que du feu, comme ils disent. Hein? Celui-ci n'est pas du kufr, car il n'y a pas d'acte d'adoration pour autre qu'Allah qui ont été commis. Cependant, l'autre, le sihr qui est haqiqi, lui, c'est du kufr. Donc celui qui aura commis cette sorcellerie-là, comme le fait d'invoquer les djinns ou de faire des actes répugnants avec le Coran, le Mus'haf, avec le Coran, ou ainsi de suite, celui-là aura mécru. Non. Ou également le shirk en disant wasab Allah wasab rasuli hatta walaw kana yaqulu la ilaha illallah wa yusalli ma'al muslimin yuqtal kadhalika al musta'zihi bi dinillah mithl al musta'zihi bil islam yakfur liqouli Allah ta'ala wa la nisa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc il dit également, celui qui insulte Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il venait à dire la ilaha illallah, c'est-à-dire il prononce la shahada, celui qui insulte Allah ou son messager, ou celui qui se moque de la religion, celui-là aura mécru. Par preuve de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, et si tu leur demandais, ils diraient certes, nous ne faisions que plaisanter et discuter. Alors, dis, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir connu la foi. Donc tout cela est parmi les nawaqid de l'islam, parmi les actes annulatoires de la religion. Yajibu an yuqam al-haddu ala man kana ala ridda min al-shuyu'iyya wal-ba'thiyya wal-irtiqadiyyin. Al-ba'thiyya al-irtiqadiyyin wal-ba'tiniyya wa ghulat al-rafida wa ghulat al-sufiyya wa ghulat al-sufiyya wa kullu man baddala dinah yuqtaluhum yaqtuluhum walil amr. Donc il dit que ces gens-là, il est obligatoire d'appliquer sur eux la peine de la sentence. Hein, pour celui qui aura apostasié. Car tous ces actes qui sont la sorcellerie, l'insulte, le fait d'insulter Allah et son messager, ou la moquerie envers la religion, pour celui qui a prononcé la shahada, cela est de l'apostasie, il est obligatoire de le tuer. Également comme les shuyu'iyya, c'est une forme de communisme, hein, parmi des gens qui s'attribuent de l'islam. Ou le ba'thiyya, c'est-à-dire ceux qui sont Ba'thiyya. Ba'thiyya, c'est une forme de communisme pro-arabe. Hein, un communisme pro-arabe parmi ceux qui ont croyance de ce qu'ils font. Car parmi eux, il y a des gens qui sont juste des suiveurs. Ils ne réalisent pas dans quoi ils se sont engagés. Donc eux, Inch'Allah, on espère que l'ignorance sera une excuse pour eux. Alors que ceux qui ont pour croyance, hein, et éthique et voient cela comme étant véridique, c'est-à-dire le Ba'th, Al-Irtiqadi, ce communisme pro-arabe, lui, c'est un kafir. Ou également, Al-Batiniya, ou également ceux qui exagèrent, les hauts élevés des rangs des Rafida, ou parmi les Soufiyas, hein, ceux qui exagèrent grandement parmi les Soufiyas, tous ceux-là ont des gens qui auront apostasié et qui auront changé leur religion. Même s'ils disent La ilaha illallah et qu'ils font la salat et ainsi de suite, ceux-là, il incombe aux détenteurs du pouvoir, aux gouverneurs, de les exécuter. وَيَسْتَتِيبُ الْأَخَرِينَ وَيَلَّا قُتِلُوا هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى وَالَةِ الْأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَفَقَهُمُ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَمْثَالِهَا فِي الْبَابِ وَاللَّهُ مُسْتَعَانَ. Donc il dit également que ces gens-là, cités précédemment, doivent être exécutés. Hein, et qu'il revient également au gouverneur de demander de faire tawbah aux autres, Et si ils ne reviennent pas de leur apostasie, de leur mal, alors ils doivent être exécutés. Et cela est ce qui incombe aux détenteurs du pouvoir, des musulmans. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde le succès par rapport à ces preuves et ce qui y ressemble dans le sujet. Allah al-Musta'an. Donc de là s'achève le Ders, l'explication du Shir sur le Hadith, qui revient à dire que le sang du musulman à la base est préservé, est interdit, est illicite. Il n'est pas permis de tuer un musulman. Sauf dans trois cas, qui sont le talion, c'est-à-dire le meurtrier, lui est exécuté. D'accord ? Lui est exécuté. Tel est le jugement qui s'en rapporte. Ou celui qui aura commis la fornication après avoir connu un mariage légiféré. Ou alors celui qui aura apostasié et divisé les rangs des musulmans. Celui-là également est exécuté. Naam. Abihada naktafi, wa nakul subhanaka allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته.